Thank you.

We'll be right back.

Je lance le truc et puis fin d'histoire quoi. Ouais. En fait, nous on voulait enregistrer un morceau là-dessus et en fait on a chacun enregistré de notre côté pour se faire le. Attends, BPI. Changer BPI. Nimbot 2050. Alors là, je suis sur Nimbot là avec ce. Je sais pas si tu vois avec ça. Ouais. Il y a un Français, un Canadien, un Argentin. Alors, comment? Et normalement, si tu mets écouter, je crois. Moi, j'ai pas de son qui sort. C'est normalement les mecs qui jouent tous. Pour aller voir sur un autre là. Bah, si tu mets. Buenas tardes, aquí desde Argentina. Mi nombre es Camilo. No sé si se escucha, la primera vez que estoy usando esto. Un dedo arriba estaría bueno. ¡Vamos arriba, Uruguay! Santa Teresa, playa hace mar. Caipiriñas en la playa, Santa Teresa, playa hace mar. Y allí la gorra si se pasa. We'll be right back. We'll be right back.